Le journal sud-coréen Une Nation a fait paraître le 28 novembre un éditorial réclamant d'éclaircir la vie passée de Bakune le jour de l'accident du Paquebot Sewol qui a causé plus de 300 morts.